c'était l'époque, ça. Les équipes et les tripes, le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. C'était l'époque, ça. Les équipes et les tripes, le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. Torca 49 pour ceux qui connaissent le hip-hop ici. Depuis l'époque où ça danse dans les halls de BBC. La roserait mon plaisir, les coins de ma ville, dans toutes les banlieues et les grandes gares de Paris. Torca pour ceux qui connaissent l'époque, le hip-hop, les pogs et les bibastons, on court à l'école. On grave sur les murs, le bordel, on fout dans les bus. La nuit entre poteaux, en mode on se bat dans la rue. En mode on bat, puis l'école de Bruce Lee, les combats. Ali Mohamed, Tyson, la Oya. Écoute, ça, je kick, ça, je trip pas les types, salut. Depuis l'époque, je suis le bordel, même dans les petites salles. On voit des types sales ou pères de famille. On se tape entre poteaux, mais pense aux mères de famille. Je kick ça, c'est pour soutenir les miens. Pour vous dire combien la rue m'a fait croire au lendemain. C'était l'époque, ça, les équipes et les tripes. Le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. C'était l'époque, ça, les équipes et les tripes. Le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. Si j'ai écrit du hip-hop entre quatre murs de ma ville, c'est qu'on a tous la haine comme Hubert Fins ou Saïd. Il a fallu s'investir entre les tirs et les manifs. Je commence à toucher le micro, ce qui fera changer ma hit. Parfois je suis face au combat que je livre, souvent dans un nuage entre la fume et l'emprise. J'kiffe trop moi, depuis Tupac et Biggie. Depuis qu'arrivait la mode du M.O.B.B. En France j'avais lunatique, idéal et guéri. La brigade est plus fab et aussi mafia qu'un free. Dans ma province, un groupe venait de percer. Sous le choc laissait ses traces dans le milieu rap français. C'était le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, il passait du son funky. J'me rappelle des battles au milieu de la piste. DJ Abdel dans les soirées, au milieu de Paris. C'était l'époque, ça, les équipes et les tripes. Le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. C'était l'époque, ça, les équipes et les tripes. Le bon temps, avant la chute et la crise. À l'époque où en boîte, l'ambiance était électrique. Je me rappelle des battles au milieu de la piste. Jazz production available in today's market. Upgrade your sound today and start making hits.